'cause it was almost love. It was almost love. It was almost love. It was almost love. Rag & Bone Man sur RTL de Skin. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Bonjour à tous, 6h05, je suis désolé, pas du jus ce matin, elle reviendra en pleine forme demain. Allez, ça va le faire quand même, on va faire une belle émission parce que toute l'équipe est en pleine forme. Bonjour Jérémy qui est aux manettes. C'est ça, bonjour. Ça va bien ? Ah, tranquille. Bon, il y a également Jonathan O'Donnell. Bonjour, bonjour. Dis donc, Jonathan O'Donnell. Oui. Ah, j'ai peut-être un poil plus m'appuyer sur toi ce matin. Ah, tu peux y aller, j'ai le dos solide. Hein. Étaler, oui, mais c'est surtout l'épaule qui m'intéresse. Ah, bon, bah, prends ce que tu veux. C'est bon. Tu viens à quelle heure ? Je viens à 6h55, 8h55, mais je suis là tout au long de l'émission. Eh, hey, ok, he's no good. Je te vois venir, tout ça, tout souriant, ça fait de la place pour lui. Bonjour Max. Bon, bah, du coup, salut les gars, ça va en forme ? Bonjour, bienvenue. Tu t'occupes des réseaux sociaux ? Exactement. Instagram, Facebook, Twitter. Évidemment, si vous conversez avec nous, c'est en particulier avec Max que vous le faites. Aujourd'hui, c'est la Saint-Fernand, figurez-vous. Et c'est l'anniversaire de celle qui était mon fantasme quand j'étais jeune, c'était Isabelle Adjani. Et vous l'avez vu, Isabelle Adjani, elle a 63 ans. On ne dirait pas une demi-seconde qu'elle a 63 ans. Elle non, ne non, les non. fait pas, c'est joli. Encore. Ouais, on peut dire tout ce qu'on veut, mais elle ne les fait pas une demi-seconde. Voilà. Sachez qu'on jouera ensemble également tout à l'heure au tube de la brosse à dents avec Bruce Springsteen pour gagner un coffret cadeau irrésistible voyage by Brittany Ferries. Un cadeau d'une valeur de 1000 euros. Les inscriptions 32-28. C'est Vivi qui est au standard jeu et qu'on salue. C'est elle qui vous répondra dans quelques secondes. Tiens, elle va faire en allemand. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Dans le double expresso RTL de bonjour. Il est 6h06. I've known a few guys who thought they were pretty smart. But you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt, that don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think? You're Elvis or something? That don't impress me.

16, vous êtes des Lève-Tôt, forcément vous êtes avec nous dans le Double Expresso RTL 2. Vendredi, on fête la fin de saison et on vous invite à aller sur la page Facebook du Double Expresso. Vous envoyez un petit message pour faire partie de l'émission avec Charlie Winston et Gaëtan Roussel qui chanteront en direct dès 7h. Nous, on sera là de 6h à 9h30. Il y aura également d'autres surprises. Voici Muse, bon réveil sur RTL 2. Identity, fragments and scattered debris. Fall down, alone, when to count it out. Drop me up before I black out. Withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. Sur RTL 2, 6h19. L'info expresso du Double Expresso RTL 2. Aujourd'hui, c'est un événement, c'est la Saint-Fernand. Voilà, bonne journée. Allez, salut. Allez, merci d'être avec nous. Non, c'est pas vrai, c'est évidemment la Saint-Fernand, mais c'est aussi le premier jour des soldes. C'est le coup d'envoi des soldes. Alors, c'est vrai qu'à une époque, on était tout excités, tout foufou avec les soldes, gars ou filles. Ça s'est un peu calmé, non? Je sais pas ce que vous en pensez maintenant qu'avec les soldes privés tout le temps. Bah, disons quoi, il y en a un petit peu tout le temps des soldes. J'ai l'impression que tu reçois les messages à venir. Bah, ouais, non. Moi, je suis encore un peu foufou. Hein. T'es encore un peu foufou. Ah, bon, oui, bah, oui, écoute. Oui. Voilà, tu fais partie des 63% de Français qui souhaitent profiter des soldes d'été cette année. Vous êtes 6 Français sur 10 qui attendent ça avec impatience et vous allez dépenser en moyenne, pendant ces 6 semaines, 288 euros. Ah bon ? Ouais, c'est le prix moyen de votre panier pour ces soldes. D'ailleurs, le mot solde, il a été cité près de 500 000 fois sur le moteur de recherche Google. C'est pour vous dire qu'il y a quand même encore un intérêt. Bah oui. Ah oui, c'est quand même recherché. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter pendant ces soldes ? En priorité, roulement de tambour, des chaussures. Ah. Pour 70% d'entre nous. Je pensais que ce serait les affaires d'été. Non, ce sont les chaussures, les sneakers, pour être tout à fait précis. Des Nike, des Adidas, des Reebok, de toutes les marques, hein, tout ce que vous voulez. Il faut que j'en cite 3 pour ne pas être embêté. La mode et les accessoires à 68%. Et puis les produits de soins et de beauté à 43%. Les marques qui sont les plus citées. Qu'est-ce que vous allez chercher, par exemple, pour les soldes? Vous allez chercher en priorité la Redoute, qui est largement aux têtes des produits recherchés, des marques, en tout cas les plus recherchées sur Google.fr. Cdiscount, Amazon, Conforama, Kiabi, Nike, Zalando, Darty et Decathlon. Voilà les marques qui sont vos chouchoutes et qui sont les plus recherchées pendant les soldes. À noter également que c'est la dernière fois que ces soldes vont durer 6 semaines. Elles vont désormais durer 4 semaines. Ah, va falloir se dépêcher après. Là, ça sera pile un mois parce qu'il y aura davantage de Black Friday, de choses comme ça. C'est pour ressusciter à nouveau l'intérêt, évidemment. Allez, voici Travis dans le Double Expresso RTL de Sing à 6h21. Bonjour, bon réveil. Baby, you got Sur RTL de 6h24. Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi matin. Voici votre horoscope. On commence avec les médailles de bronze et les gémeaux. Vous êtes d'humeur compliquée, ce n'est pas toujours facile à vivre pour les autres. Les sagittaires, vos mauvaises habitudes refont surface. Essayez de les corriger. On passe aux médailles d'argent. Avec les béliers, votre charme fait des ravages en ce moment. Profitez-en tant qu'il est encore temps. Les taureaux, vous avez le sens des affaires. Personne ne peut vous duper. Les cancers, vous travaillez beaucoup, mais les résultats commencent à se voir. Lion, vous êtes quelqu'un de distingué. On reconnaît votre savoir-vivre. Les vierges, vous rêvez de changement. Une nouvelle rencontre pourrait bien répondre à cette envie. Les scorpions, vous assumez ce que vous êtes. Vous vous sentez bien dans votre peau. Capricorne, vous essayez d'être mieux organisé. Vos efforts commencent à porter leurs fruits. Verseau, vous êtes créatif. Tout le monde reconnaît votre côté original. Et les poissons, vous saurez convaincre votre entourage pour avoir gain de cause. Et enfin, la médaille d'or du jour. Pour les balances, rien ne vous atteindra aujourd'hui. Votre bonne humeur est communicative, vous donnez le sourire autour de vous. 6h24, pour jouer au tube de la brosse à dents RTL2, c'est simple, un seul numéro de téléphone. Jonathan Donnel. Le 3228. C'est bien, t'as compris comment ça marche les numéros. T'as révisé, c'est fort. 3228 pour jouer au tube de la brosse à dents RTL2 et gagner un coffret cadeau Irrésistible Voyage by Brittany Ferries. Cadeau de 1000 euros sur RTL2.

Fire to the Rain sur RTL 2, 7h25. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Alors, celui-là, il est assez spectaculaire. Ah. Bon, ça vous est déjà arrivé d'être en retard au boulot? Je dois constater que cette année, je vous ai pas vu en retard. Nous, ça va. Franchement, il n'y a pas eu de retard. Alors, c'est un Américain qui vit à New York. Et c'est vrai qu'il y a souvent des bouchons à New York. Ah bah c'est oui. compliqué, ouais. c'est comme les grandes villes. Bon, et bah, qu'est-ce qu'il a fait, notre copain, Scott Hult? Il est d'un côté de la rive et il a un rendez-vous de l'autre côté de la rive. C'est la Hudson River qui traverse New York. Okay. Bon, il a un rendez-vous professionnel qui peut changer son destin. Et il a décidé de traverser l'Hudson River en planche. Comme s'il faisait du paddle. Il s'est mis debout sur la planche, il a pris une rame. Il y a moins de circulation du coup. Il a traversé en costume. Ah oui, il y a moins de circulation, sauf que c'est extrêmement dangereux. Les courants de l'Hudson River par rapport à la Seine, il y a les bateaux qui passent. Oui. C'est extrêmement dangereux. La scène a été filmée par des passagers d'un bateau et a été partagée sur les réseaux sociaux. Les médias américains se sont emparés de l'affaire. Ils ont diffusé en boucle les images et ils sont partis à ses recherches pour l'interviewer. Et là, je lui dis qu'il avait son rendez-vous pour un entretien d'embauche et que c'était la seule solution qui lui permettait d'être à l'heure. Voilà. Oh, bah, par contre, s'il n'y a pas de rivière à côté du boulot, n'y allez pas. Hein, non. Parce que sinon, vous allez galérer. Si vous êtes en paddle sans rivière, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ne tentez pas ça chez vous, évidemment. Voici Queen, I Want It All sur RTL 2. On vous poste la vidéo sur la page Facebook du Double Expresso RTL 2.

46, on va jouer pour la première fois de la matinée. Ça va être bien, le tube de la brosse à dents RTL 2. C'est juste après Zayn Malik et Sia. Voici Dust Till Dawn sur RTL 2. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. Shut like a jacket, so do yours in. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. Dust Till Dawn. RTL 2, le tube de la brosse à dents. Ah, ça me fait plaisir de vous accueillir, Myriam. Il me manque une voix féminine ce matin. C'est vous qui allez jouer ce rôle-là. Bonjour, Myriam. Oui. Bonjour, Greg. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Ça va bien, Myriam? Bonjour. Très bien, merci. Bah, nous, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes à Mont-de-Marsan. C'est ça. Ah là là, j'ai fait les fêtes de la Madeleine, il y en a un petit peu là-bas, je peux vous dire. C'est bientôt, c'est le 18. Ouh là là là là, ça me rappelle ma jeunesse étudiante, ça, Myriam. Vous ne me rajeunissez pas. Oui. Vous avez 20 ans de mariage, c'est ça, c'est chouette, ça. C'est ça, oui, cet été, 1er août. Et donc, c'est quoi votre cadeau de 20 ans de mariage que vous souhaitez vous faire? Eh bien, on a regardé pour aller en Irlande. Alors écoutez. C'est pour ça que j'appelle. Ah bah oui, ça tombe bien parce qu'on vous offre un coffret cadeau irrésistible voyage by Brittany Ferries d'une valeur de 1000 euros. C'est un bon d'achat tout simplement à utiliser à bord des navires Brittany Ferries avec également un séjour, la traversée, une partie qui vous emmènera en Angleterre, en Irlande, en Espagne, au Portugal. C'est vous qui choisissez. L'Irlande fait partie du package. On vous le souhaite. Ouais. Vous allez jouer avec Bruce Springsteen. Bonjour Bruce. Oh yeah, bonjour les pop rockers. Bonjour Myriam, en forme? Bonjour Bruce, oui, très. Magnifique. Allez, à vous de découvrir la chanson chantée par Bruce. Soyez très attentive, l'Irlande est au bout. À toi. Alors. Alors, je dis les Red Hot Chili Peppers. Tout excité là, j'ai réveillé tout le monde. Alors là ça fait plaisir, réveiller tout le monde parce que vous partez en Irlande pour vos 20 ans de mariage. C'est RTL2 et Brittany Ferries. Merci RTL2, merci beaucoup. sur l'album Californication. C'était Scar Tissue qu'on va écouter dans quelques secondes. Bravo, Brittany Ferries vous offre ce coffret cadeau Irrésistible Voyage, ainsi qu'RTL2 évidemment. Profitez bien, Myriam, de vos 20 ans de mariage. Je vous embrasse. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso, ouais. Scar Tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you. Cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this. Push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your health. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed. En vacances en Irlande, c'était beau, 7h-5. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. Grosse matinée pour Jonathan O'Donnell, hein, en l'absence de Juju ce matin, il bosse deux fois plus, il a quand même son top 3, ça va aller? Ah, ça va aller, Greg, tu veux bonjour. Une petite vitamine C? Bah, je fatigue un peu, mais bah, ouais, je suis ouais. Là, je lâche rien. Ah, ouais, non, bah, on compte sur toi, hein, évidemment, pour tenir hein, jusqu'à 9h. Bon. Et bonjour à tous, hein, quand même. Ouais. Et on va commencer avec n'en fais pas des tonnes non plus. Ouais, bon, d'accord, ouais. Allez. Ouais. Commençons avec une petite info logement. Les ascenseurs seront bientôt obligatoires dès le troisième étage. Ah. C'est-à-dire, voilà, immeuble neuf. Avant, c'était à partir du quatrième étage où c'était obligatoire. Maintenant, à partir du moment où il y a trois étages, les ascenseurs sont obligatoires. Voilà. Alors, même Mamoudou Gassama, il s'en fout. Il a dit qu'il continuerait à passer par les façades. Ça ne l'intéresse pas comme information. Mais bon. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Voilà, sachez-le. Bonne fête, Greg, du coup. Hein, c'est sympa, je consomme pas de drogue. Si tu râles. Tu es dépendant aux viennoiseries, tout le monde le sait ici, Grégory. Ah ouais. Voilà. Ça dépend ce qu'on considère. Petit pas à raisin pistache. Ah.

Un mouvement qui tombera juste au début des vacances scolaires et qui pourra être renouvelé au fil des jours durant l'été. La CFDT a annoncé qu'elle allait suspendre sa participation pendant cette période pour ne pas pénaliser les vacanciers et reprendra sûrement le mouvement à la rentrée. Peut mieux faire. Greenpeace sort aujourd'hui une enquête sur la lutte contre la pollution en France et sur 12 villes passées au crible. Nantes, Paris et Strasbourg font figure de bons élèves. Restriction des véhicules polluants dans la capitale, développement des réseaux de vélos et des transports en commun pour Strasbourg et Nantes. En revanche, des villes sont pointées du doigt pour ne pas faire grand-chose dans la lutte contre la pollution de l'air. Lille, Montpellier, Marseille et Nice. Simone Veil bientôt au Panthéon. C'est dimanche matin que l'ancienne ministre fera son entrée avec son époux dans l'édifice des grands hommes. Leurs cercueils seront placés aux côtés de ceux de Jean Moulin, André Malraux, Victor Hugo ou Pierre et Marie Curie. Simone Veil sera la cinquième femme à être panthéonisée. Le public pourra se recueillir sur place à partir de dimanche après-midi. France-Argentine affiche des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Ce sera samedi après-midi à 16h à Kazan. Hier, les Bleus ont déçu en terminant leur dernier match de poule sur un nul. Score final 0-0 face au Danemark, lui aussi déjà qualifié. Le sélectionneur Didier Deschamps temporise. Les Français ont rempli leur objectif, finir premier du groupe C. Il y a 4 matchs à suivre aujourd'hui. Mexique, Suède, Corée du Sud, Allemagne, Serbie, Brésil et Suisse, Costa Rica. Et c'est reparti pour une belle et ensoleillée journée. C'est pas très dans le bon ordre, ça. Voilà. Une journée belle et ensoleillée sur toute la France avec des températures qui continuent de grimper. Le soleil brille sur toutes les régions ce matin. Dans le courant de la journée, on pourrait avoir quelques nuages sur le Pays Basque et le ciel devrait se charger un petit peu aussi en fin de journée, mais normalement, pas de pluie et pas d'orage à l'horizon. Le ciel restera gris jusqu'à demain en milieu de matinée. Et puis à noter aussi 2-3 nuages sur les Alpes passe cet après-midi et il devrait là aussi très vite se dissiper. Les températures en ce moment, 14 à Lille, 15 à Strasbourg, 15 aussi à Rennes et 18 du côté de Toulouse. 7h03, bonjour à tous. Ça va, tout le monde est en forme, c'est mercredi matin. Voici Chaka Ponk dans le double expresso RTL 2. My name is Stain. I'm Stain, my name is Stain. Sharing guns and kill for fun. There must be Funk, My Name is Stain sur RTL de 7h06. Grégory Hacher et Justine Salmon. Réveil avec le double expresso RTL 2. Bon, pas de Juju ce matin, mais ne vous en faites pas, toute l'équipe est en pleine forme. Justine reviendra demain. Bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour Grégory Hacher. Bonjour, bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour. Jérémy qui a du pain dans la bouche, il prend son petit-déj. Ah, je te dérange pas, ça va, tout va bien. Ça s'entend pas. Bon, si, légèrement. Bonjour Max, notre responsable des réseaux sociaux. Bonjour. C'est avec lui que vous parlez sur Instagram, Facebook, Twitter. Je vous invite à nous rejoindre. Alors, vous avez sans doute entendu dans les infos, il y aura encore quelques jours de grève concernant les trains cet été. C'était pas prévu au départ. Ce sera pour le 6 et 7 juillet. On va voir comment ça va évoluer pendant l'été. Bon courage, évidemment, par avance. Sachez qu'au Japon, ils ont résolu le problème pour que ça se passe bien dans les trains. Ils ont inventé les TGV Hello Kitty. Ah, ils ne sont pas pris la tête. Ils ont pris le personnage culte et ils l'ont dessiné tout simplement comme ça sur les TGV. Et ça va circuler pendant 3 mois avec une voiture magasin remplie de produits dérivés Hello Kitty. Et Hello Kitty ne fait jamais grève, donc du coup, c'est pratique. C'est l'avantage d'Hello Kitty. Et en plus, elle fait même mini babysitter quand vous collez les enfants devant. C'est génial. Bravo. C'est magnifique. Ne faites pas ça, hein, évidemment, c'est une plaisanterie. Précise. Sachez qu'il existe donc des TGV Hello Kitty qui vont circuler au Japon. Chez nous, c'est pas tout à fait prévu là tout de suite. Non. Par contre, ce qui est prévu dans l'émission, c'est l'info expresso de 7h18. Je vais vous dévoiler les secrets de la famille idéale. Ah, restez là. Je veux bien savoir ça. Si vous avez une famille, ça va vous intéresser. Forcément. 7h25 l'horoscope, 7h35 la chanson du jour et puis la banque RTL2 à 7h45 au 32-28. Rocks. Roxane dans le double expresso RTL 2 à 7h10. Oui, dans l'info expresso, j'ai trouvé le secret de la famille idéale. Apparemment, ça dépend du nombre d'enfants. Donc, si vous êtes une famille, vous avez des enfants, vous êtes en train de vous préparer pour partir à l'école ou au travail, je vais vous dire quel est le nombre idéal de personnes dans une famille. On va jouer tous ensemble pour savoir si on est la famille idéale, d'accord? Allez, moi je suis chaud. Si vous me disiez non, de toute façon, ça m'arrange pas. Oui, j'imagine. Vous me dire oui. Oasis également. Wonderwall débarque dans le double expresso RTL 2. A tout de suite et bon réveil avec nous. RTL 2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio Pop Rock.

Mais voilà, si vous habitez dans ces villes-là, c'est que vous payez plus cher que les autres. Les copains, heureusement, égalité pop rock dans le double expresso RTL2. Voici Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Wonderwall, Oasis, deux frères, les frères Gallagher, une fratrie, bah ça tombe bien, on parle famille tout de suite. L'info expresso du double expresso RTL. Ah, ça enchaîne de partout là. Ouais. Oh là là là là là, la transition. Bon, j'ai trouvé ça pour l'info expresso sur le web, parce que c'est soit sur le web, soit dans la presse. On vous donne le meilleur de ce qu'on a lu pour bien commencer la journée. Et on a découvert le secret de la famille idéale dans genside.com. Alors, selon une étude scientifique, donc c'est vraiment important, publiée dans The Telegraph, la famille idéale serait composée de... deux filles. Non. Deux enfants, deux filles. Pour en arriver à un tel résultat, les chercheurs ont interrogé 2116 familles, sans inclure celles avec un enfant unique et celles avec plus de 4 enfants. Donc, les grandes familles et les enfants uniques, déjà, vous êtes exclus. C'est injuste. Super. Mais c'est comme ça, je suis pour rien, c'est pour l'étude. Et donc ensuite, on a questionné les membres sur leur complicité, l'ambiance au sein du foyer, l'entente globale. Résultat, les familles où ça se passe le mieux, ce sont celles où il y a deux filles, c'est le secret du bonheur. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a deux filles non, non. Non, non, non. Ah, on est malheureux. Non, oui. Oh là qu'est-ce là, qu'on n'a pas la famille idéale. Jérémy, bah, si, j'ai deux filles. Mais t'as plus que ça. T'as des schtroumpfs aussi. Oh, dis donc. Bah, c'est gentil, c'est mignon pour parler de tes enfants, tes garçons. Non, ah, aussi, deux filles, pareil. Deux garçons. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Merde, tu chômes pas, toi. Hein. T'es un amoureux transi, toi. J'aime Jonathan ça. Bah, nous, on est trois. On est deux garçons et une petite fille. qui est arrivée bien après. Donc, t'as failli avoir du bonheur. Bah, j'ai failli être dans bah, un, oui, bien donc, placé dans le classement. Parce que deux garçons, c'est la troisième place. Ah, bah ça, c'est bien parce ça. Parce que c'est deux filles en premier. Ensuite, c'est une fille et un garçon, le choix du roi. Ensuite, deux garçons. Ah, voilà. Après, trois filles. Trois garçons, quatre garçons, bon puis après deux filles et un garçon, deux garçons et une fille, trois garçons et une fille. Ah, tu vois, c'est ça qui m'énerve, parce que pendant longtemps on a été troisième, en troisième position, puis là on finit huitième à cause de ma sœur. Donc ça, je suis pas d'accord. Ta petite sœur t'a coupé du bonheur, ouais, voilà. Que je te dis, c'est comme ça. J'étais à ça du podium. Hein. Max ? Moi je suis fils unique, donc moi c'est en classement. Ah bah tu rentres pas dans la tristesse ultime. Coupe ton micro. On vous poste ça sur la page Facebook RTL2 pour voir quel est votre classement dans la famille idéale. La nouvelle chanson de Jane, voici All Right sur RTL2.

ce seront les derniers qui vont durer 6 semaines. Dès l'an prochain, ce sera raccourci à 4 semaines pour rééquilibrer l'année entre les périodes promotionnelles et les jours sans. En revanche, il pourrait y avoir une sorte de Black Friday à la française ou encore un Boxing Day à l'anglaise. France-Argentine en 8e de finale de la Coupe du Monde. Ce sera le match d'ouverture de la deuxième phase de la compétition. Des Bleus plutôt insipides face au Danemark hier, match nul 0-0. Et puis en face, les Argentins de Lionel Messi qui se sont qualifiés in extremis. Pour aujourd'hui, 4 matchs, Corée du Sud, Allemagne, Mexique, Suède, Serbie, Brésil, Suisse, Costa Rica. Allez, c'est reparti pour une journée belle et ensoleillée sur toute la France avec des températures qui continuent de grimper. Le soleil brille sur toutes les régions ce matin. Dans le courant de l'après-midi, on pourrait avoir quelques nuages sur le Pays Basque et le ciel devrait se charger un petit peu en fin de journée. Mais normalement, pas de pluie, pas d'orage. Le ciel restera toutefois gris jusqu'à demain en milieu de journée. Puis à noter aussi 2 ou 3 nuages sur les Alpes cet après-midi. Et là, il devrait très vite se dissiper. Les températures en ce moment, 15 degrés ce matin à Nancy, 18 du côté de Tarbes, 16 à Annecy et 19 à Quimper. 7h33, bonjour à tous, bienvenue, c'est le Double Expresso RTL2. Heureux d'être avec vous pour commencer cette journée avec Cat Sun Trees dans le Double Expresso RTL2. Countries et Keep on Dancing sur RTL2, 7h36. RTL2, la chanson du jour. Alors, ce matin, c'est un groupe anglais, pas très connu, faut bien le dire, qui s'appelle The Beloved, avec leur chanson la plus connue, leur plus grand succès, Sweet Harmony. Alors, on est au plein cœur des années 90. Ils font top 10 un peu partout en Europe avec cette chanson. L'air va forcément vous parler. Chanson écrite en duo et en famille par John et Elena Marsh, qui sont les leaders du groupe. Alors, pour l'anecdote, cette chanson a servi de musique pour promouvoir la deuxième saison de Melrose Place. Ah, il y en a qui ont regardé Melrose Place. Ah oui, oui, totalement. totalement. Voilà, Melrose Place. Voilà, bah donc, elle a servi pour la bande-annonce de Melrose Place. Alors, pas en France, mais aux États-Unis. La chanson démarre par une très longue intro et puis derrière, beaucoup de douceur dans la voix de John Marsh. Le clip, c'est le plus étonnant peut-être des années 90 parce qu'en fait, tout le monde y est assis, en tailleur, entièrement nu. Lui, il est tout nu, tranquillement. Et autour, il y a 20 jeunes filles magnifiques autour de lui, toutes nues. Bon, bah vous irez voir le clip. Ah oui, oui. Moi, je me contente de la chanson. Je sens que vous allez y aller, l'équipe. The Beloved, Sweet Harmony, c'est ma chanson du jour dans le double expresso RTL2. Écoutez, vous connaissez, je suis sûr que vous aimez. C'était ma chanson du jour avec Sweet Harmony. Et je vois que vous êtes tous restés au casque hein, dans le studio. Ça vous plaît forcément? Ah ouais, moi, ça m'a bien plu. Toi, tu connaissais pas, Jonathan. Je connaissais pas, j'ai beaucoup aimé. On fait la culture musicale de Jonathan O'Donnell dans cette émission. Sachez-le, c'est important. On va vous offrir des vacances en Grèce, un séjour avec Elia d'une valeur de 2500 euros. Ça peut grimper jusqu'à 10 000 euros également en cash. Et puis, on vous offre également un smartphone Redmi Note 5 de la marque Xiaomi pour prendre des selfies avec un capteur arrière de 13 mégapixels. C'est un très beau téléphone, notamment dans la banque RTL2. À suivre également Kin. Somewhere Only We Know dans le double expresso RTL2. Vous n'avez pas le choix, je ne vous le laisse pas. Vous restez avec nous sur RTL2. Salut, c'est Tonton Z. Quoi ? RTL2 est partenaire de la réédition d'Appetite for Destruction, l'album mythique des Guns N' Roses. Eh bien nous, dans RTL de Pop Rock Station by Zegut, on vous offre tous les soirs l'édition Super Deluxe Appetite for Destruction des Guns en coffret simili-cuir avec 4 CD, des tas d'inédits, des acoustiques, un poster, des clips, des lithographies, des tatous. C'est beau. Tous les soirs, 22h minuit, Pop Rock Station by Zegut. Merci madame. L'affaire est dans le sac. Expression française qui signifie que tout ce dont vous rêvez se trouve sur la redoute.

halfway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Somewhere Only We Know sur RTL2, 7h49. C'est l'heure de la banque RTL2. Ah voilà, une voix féminine. Je vous rappelle que Juju n'est pas avec nous ce matin. On l'embrasse fort, elle revient demain. Jonathan du coup m'épaule. Mais je peux prendre une voix féminine si non. Tu veux, Greg. Hein. Non, non, non, c'est drôle, mais non. Bonjour Rachel. Bonjour Greg. Ça va? Ben, ça va? On bon. Fait des gros bisous à notre Juju alors. Bien sûr, bien sûr. Alors vous habitez une ville que je n'arrive jamais à prononcer. Ou alors il faut que je le fasse très lentement. C'est, il y a un très beau club de hand d'ailleurs dans votre c'est ville vrai. Ponto carrément. Combo Ponto Combo. Je ne peux exactement. Pas le dire vite bien. Bien. Si je le dis vite, je chute. C'est comme pour le 110 mètres, ouais, je tombe. Je n'arrive pas à le dire vite. Je vois que vous êtes fidèle, mais vous êtes tête de cochon. Je ne vois pas le rapport, expliquez-moi Rachel. Fidèle en amitié, mais par contre, faut pas m'enquiquiner. J'ai une tête de cochon. Si ah j'ai oui. dit non, j'ai dit non. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Ah bon, ouais. Très bien. Je ne vous embête pas. Qu'est-ce que vous aimez écouter comme musique? Dites-moi. Alors moi, j'aime Red Hot Chili Peppers. Ah, bah, les U2, que j'ai oublié de dire à notre petite standardiste. Ouais, Vivi. Tout ça, quoi. Jean-Jacques Goldman et compagnie, du pop-rock, quoi, évidemment. Exactement, Patrick. Et Patrick Bruel. Ah, alors attendez, Patrick. Patrick, c'est Patrick Bruel. Patrick, ça, c'est de l'amour depuis toujours que vous avez pour Patrick Bruel, j'en suis sûr. Carrément. Vous aimez le spa et les vacances, ça tombe bien dans la banque RTL2. On peut vous offrir tout cela et bien plus encore. Attention au coffre vide. Rachel, on y va. Top chrono. Allez, une minute. Go. Coffre 1. Un château de sable. On va passer. Allez, au suivant. Ouais, coffre 2. Un séjour BO Resort. Ah, un séjour BO Resort. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, je passe. 1674 euros, c'est non. Coffre 3. Vérifié. Un smartphone Redmi Note 5. Alors, le nouveau smartphone qui vaut une valeur 200 euros, qui fait de superbes selfies. Je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Mais je passe quand même. Coffre 4. Une tablette Samsung Tab S2. Une valeur... Ah bah très bien, 319 euros qui passe, coffre 5. Un lecteur Blu-ray. Non, je passe. Coffre 6, 15 secondes. Un séjour pour 4 personnes au parc Astérix. Le parc Astérix, 650 euros. Ben je vais le prendre, vu qu'il y a 15 secondes, je vais le prendre. On prend ça, il reste 5 secondes, c'est sûr. Allez, vas-y, ouvre. Bravo ouais. C'est bon ça, hein. Bravo, bravo, bravo Rachel, vous remportez un séjour au parc Astérix pour vous et votre petite famille, séjour pour 4, 4 entrées adultes pour 2 jours au parc Astérix, une valeur de 650 euros. La nuit à l'hôtel Les Trois Hiboux, le petit déjeuner, le dîner, bref, tout ça c'est pour vous, ça nous fait plaisir Rachel. On n'avait pas le temps d'ouvrir un autre coffre, Jérémy, s'il restait 4 secondes, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant ? 300 euros à dépenser sur le site netatmo.com. Bon bah voilà, c'est un peu voilà, moins cher. Bien fait. Bien fait, bravo. Je suis ravi pour vous Rachel, félicitations pour ce beau cadeau. Vous en profitez bien, vous nous envoyez une photo en famille là-bas. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2 Rachel ? Un double expresso bien sûr. When you look so good, the pain in your face doesn't show.